Nous devrions tenir quelques heures, trois tout au plus. Toujours aucune réponse à notre appel de détresse ? Pas de retour de fréquence sur une quelconque réception. Sans parler de réponse, personne ne semble avoir reçu le message. Et au niveau du scan haute distance ? Le rapport est en cours de traitement. Voilà. Alors, il y a un vaisseau posé sur un astéroïde à 30 minutes d'ici, mais il semble être inhabité. Une épave ? Alors sans doute. Avec un peu de chance, leur réservoir de carburant est intact. On pourra se réalimenter. De toute manière, c'est soit ça, soit on dérive dans l'espace jusqu'à ce que quelqu'un passe. Au pire, l'astéroïde est en mouvement. On pourra se poser dessus et dériver avec. En route alors. On devrait bientôt l'apercevoir. Je commence la manœuvre d'atterrissage. Je te laisse envoyer un message. Ouais. Bonjour, ici Frey, capitaine du NADO TMUF. Nous amorçons une descente vers votre vaisseau et nous sommes actuellement en panne. Y a-t-il quelqu'un à bord ? Rissa Frey Capellar des NADO TMUF. Adansa Evosne Feyar, Esne Accidente. Crey Evosne ? On approche. Ah, pas de réponse. Il est peut-être déserté. J'effectue un scan thermique et électronique. Et nous voici posés. Hein, pas de vie détectée. On fait quoi du coup ? Connecte leur sas avec le nôtre. Je vais aller voir s'il y a de l'air et visiter le vaisseau. Je m'en charge. Ouverture du sas demandé. Ouverture du sas. J'espère que leur sas fonctionne toujours. Ah, c'est bon. Analyse de la composition de l'air. Air analysé, respirable. Parfait. Tu peux scanner la structure du vaisseau ? Il dispose d'un blindage en francium. Je ne peux pas obtenir un plan suffisamment précis, mais ça ressemble à une structure classique. Poste de commande à l'avant, moteur à l'arrière et au milieu ce qui caractérise le vaisseau. Ah. J'ai trouvé un panneau de communication. Je regarde s'il fonctionne encore. Ah, c'est bon. Appel général vers toutes les terminaisons. Redirection vers tous les terminaux. Ici le capitaine Frey. Si quelqu'un m'entend, répondez-moi. Frey Capellar inter mi res warmi. Pas de réponse, Yapo. Tu peux venir vérifier si tu peux récupérer le carburant ? Je vais au poste de commande analyser l'historique du vaisseau. Je m'équipe et j'arrive. Le système est en veille automatique. Je le rallume pour que tu puisses accéder à toutes les fonctionnalités, Yapo. Ouais, merci. Il y a un drone en salle de machine. Je vais voir si je peux le remettre en marche pour qu'il m'aide à préparer le transfert. Ce sont bien des réacteurs au lithium, donc on va pouvoir récupérer des combustibles. Parfait. Je te laisse faire le transfert. Je vais analyser le vaisseau en interne pour voir si on peut récupérer quelque chose d'intéressant. Bien reçu. Alors, composition de l'équipage. Un mécanicien, un pilote et une autre personne. La dernière activité sur ce vaisseau date d'il y a 3 mois. Mais l'épave n'est pas en mauvais état. Il n'y a pas de signe de contact avec un autre objet. Il y a de l'air et du carburant. Même le recycleur de déchets fonctionne. Donc il devait y avoir suffisamment de nourriture. Frey, je n'ai pas l'accès au réservoir. Il faut un pass pour pouvoir récupérer le carburant. Ça doit être une carte magnétique en langage galactique commun. Je pense que ça doit être écrit Angicien Maybal dessus, probablement. Si tu trouves ça, fais-moi signe. Je vais essayer d'y faire attention. Dis-moi, est-ce que tu as trouvé des traces d'un quelconque événement pouvant entraîner la mort de l'équipage ? Je ne relève aucun choc de l'appareil ni d'avarie vitale. La mort de l'équipage? Ils ont peut-être juste quitté le vaisseau. La salle des machines est dans un état correct. Je ne pense pas qu'il y ait eu un problème à cet endroit. Tu peux aller jeter un coup d'œil aux capsules de sauvetage dans l'atelier? Je vais voir dans la salle à manger et on se rejoint au niveau des dortoirs. Comme ça, on aura fait tout le vaisseau. Si on ne trouve personne, j'ai aucune idée de ce qui a pu se passer ici. Bon, la salle à manger est bien rangée. Au niveau de la nourriture, il y a largement de quoi vivre pendant des semaines. Je suis au dortoir, Yapo. Je te rejoins tout de suite. Personne sur les couchettes. Alors, rien d'étrange de mon côté. Tout est nickel et propre, les capsules sont encore là. Bah, la salle à manger pourrait être neuve que ça m'étonnerait pas. Tu as eu le temps de jeter un œil ici? J'ai juste regardé les couchettes. Et les cocons de cryogénisation? Non, pas bête. Le premier est vide. Le troisième aussi. Ah, le second est occupé. Je pense qu'on peut le réveiller. C'est un accès bio. Je vais ouvrir la porte avec ma main. Un Phrygien, c'est le mécanicien. Je vais le réveiller, donne-moi 2 secondes. Pas la peine. Il est mort. Pardon? La cryogénisation n'a pas marché? Si, mais... il a le ventre ouvert et on ne peut pas survivre à une cryogénisation avec une plaie ouverte. Mais c'est un principe de base pourtant. Et j'ai aperçu un compartiment médical à l'atelier. Pourquoi il ne s'est pas fait soigner? Aucune idée, mais sa blessure n'est pas due à un blaster. Ça ressemble à une entaille faite par un couteau de cuisine. Même si on a retrouvé l'un d'entre eux, ça n'explique pas l'absence des autres membres de l'équipage. S'il y avait 3 personnes sur ce vaisseau, et que nous n'avons trouvé qu'un seul corps, où sont les 2 autres? Je vais voir si le vaisseau a enregistré des sorties. Non, aucune sortie par capsule de sauvetage, ni même sur l'astéroïde. C'est... étrange en effet. Regardons le contenu du compartiment à vêtements. Peut-être qu'il y aura un indice. Ah, au moins voici le pass angicien Maypal. Mais... les vêtements ont plus l'air d'avoir été jetés que posés. Il a dû se précipiter ici. Pour se cacher de quelqu'un? Mais qui? Il n'y a personne ici. À l'atelier et dans la salle des machines, il n'y avait aucune trace de personne? Non, il y avait juste un drone cassé aux machines. Tu es sûr qu'il est cassé? Parce qu'il peut avoir fait la blessure. Eh bien, allons vérifier ensemble, mais j'ai regardé s'il était réparable et non. Il a subi un violent choc qui a endommagé ses circuits principaux. Peut-être que le mécanicien a réussi à le détruire après avoir été blessé. Mais alors, pourquoi ne pas s'être soigné après? Ouais. Voilà, il est ici. Regarde, un impact bien violent, irréparable. Tu penses pouvoir le brancher à un ordinateur pour récupérer son historique ou ses enregistrements vidéo? Il doit y avoir les outils pour dans l'atelier, mais je ne sais pas s'il reste des données exploitables. D'accord. Je vais aller voir au poste de commande s'il y a des vidéos internes au vaisseau. Ok. Bon, comment je pourrais chercher ça? Frey! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Yapo? Je suis allé prendre le pass qu'on avait laissé et le corps n'est plus là. Quoi? Mais c'est pas possible, il était clairement mort. Mais même, il faut presser sur un bouton pour que le caisson s'ouvre. Ou alors le vaisseau le fait si on le lui demande. Je regarde l'historique. Ouverture manuelle. T'as pas appuyé tout à l'heure en partant? Non, je ne pense pas. J'ai ouvert la porte, mais pas le caisson. C'est même pas avec le même système d'ouverture en plus. L'historique signale que ça s'est passé il y a 1 minute. On était en salle des machines. Non, le recycleur est en activité à l'instant. Il est dans la salle à manger. J'y vais. Fais attention, ça peut être dangereux. Je suis à la porte. Elle est ouverte. C'est un drone, Frey. Oh merde! Quoi? Le mécanicien, il l'a jeté dans le recycleur. Il est complètement buggé, Yapo. Reviens avec moi. Il faut quitter ce vaisseau. Ah, j'ai horreur des robots. Il s'est mis en veille, c'est bon. Je vais le désactiver. Yapo, fais pas l'abruti et pars-toi. Voilà, c'est bon. Désactivé. Pff, tu m'as foutu une de ces frayeurs. T'es complètement malade. T'inquiète. Je m'y connais en méca. Une fois désactivé, c'est plus qu'une coquille vide. Regarde. Merde! Il s'est rallumé! Frey, le drone est autonome! Il faut se casser! Putain! Yapo! Merde! Il faut que je me casse! Oh! Le drone est dans le couloir. Oh, il se dirige vers mon vaisseau, putain! Mais où? Le recycle! Oh non! Pas de sang par terre! NADO, indique-moi la présence du drone. Il a dû pénétrer dans notre vaisseau. Le drone se situe au niveau du SAS. Le drone se situe au niveau de la salle de repos. Indique-moi s'il repasse au niveau du SAS. Bien reçu. Mon blaster est bien trop faible pour pouvoir détruire ce genre de matériaux. À l'atelier, il y a peut-être quelque chose. Pas d'armes. Cette clé à molette peut peut-être lui faire des dégâts. Après tout, notre drone semblait avoir été détruit d'un coup avec un objet lourd. Que faire? Que faire? Peut-être que l'ordinateur a des infos dessus. Drone. Ce sont des drones de nettoyage? Oh putain, il a complètement pété un plomb ce... Oh mon dieu. Les abrutis, ils ont mal configuré le drone. Ils ont pas fait la différence avec les êtres vivants. Si je tenais le crétin qui a programmé ça, je lui foutrais une de ses patates. Bon, il est entré dans mon vaisseau. S'il fait du nettoyage, ça devrait lui prendre un peu de temps. Il faut que je retourne au poste de commande. Je dois avoir moyen de faire décoller ce vaisseau. Le drone se situe au niveau du SAS. Comment? Il a déjà nettoyé les pièces. Le drone n'a pas accès aux autres salles sans autorisation. Merde. Mon dieu. Il m'a vu. Ouvre-toi, porte de... Merde, ferme-toi vite. Ferme-toi. Verrouillage de l'autre porte, vite. Voilà. Bon. Si je l'attire dans mon vaisseau en l'autorisant à aller dans les salles, je pourrais me barrer avec celui-ci. Et forcément une sécurité anti-vol. Mais qui mettrait une sécurité anti-vol, mais laisserait un libre accès pour consulter les infos du vaisseau? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non, il se connecte au système pour ouvrir la porte. Et je peux sortir. Il faut que je me casse. Dans ce compartiment peut-être. Ok, tu n'as pas de scan. Sans bruit ni vision, tu ne fais rien. NADO, verrouille le SAS après mon passage. Refuse l'accès au vaisseau au drone. Bien reçu. J'ai la salle à manger et le couloir à traverser pour pouvoir revenir au vaisseau. Ça devrait le faire. En veille, toi. Merde! Condamne le SANES! Condamne l'assassin Adéo. Bien reçu. Je me permets de vous informer qu'un vaisseau commercial a reçu notre appel de détresse. Enfin une bonne nouvelle. Mais quelle idée à la con on a eue ! Yapo. Mais bon. C'est la dure loi de l'espace. Plus jamais. Plus jamais je m'aventurerai à nouveau dans une épave spatiale. Plus jamais. Je vais enfin pouvoir retirer cette combinaison. Ah, j'en pouvais plus de cette chaleur. Ah, je respire enfin. Ah, et maintenant je vais galérer à faire décoller le vaisseau. Si seulement t'étais pas aussi imprudent, Yapo. Putain. Le vaisseau est toujours en manque de carburant et j'ai perdu mon assistant. Mais qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire ? Anadeo, le vaisseau a-t-il envoyé une réponse au message de détresse ? Non, en attente de réponse. Ça fait combien de temps que le message a été reçu ? En général, on répond rapidement à ce genre de message. Cela fait plus de 5 minutes. 5 minutes et pas de réponse ? Anadeo, leur trajectoire va-t-elle vers nous ? Non, le vaisseau s'écarte de notre position. Mais quelle enflure ! Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir des gens aussi peu sérieux dans cette partie de l'univers ! Enfin bref, il faut que j'aille calculer la trajectoire de cet astéroïde pour voir s'il va passer près d'une planète habitée. Ah ! Mais c'est quoi ce vacarme ? Danger imminent ! NADO, quel est le problème ? L'astéroïde sur lequel nous sommes posés se dirige à grande vitesse vers une planète morte. J'estime la collision dans 1 à 2 minutes. Comme s'il fallait qu'un autre malheur arrive ! Allumage du moteur, calcule la trajectoire. Puissance à 95%, décollage ! On décolle pas. Analyse des avaries. Mesure du carburant. État de la coque. Bon sang, mais qu'est-ce qui nous retient ici ? NADO ! Le vaisseau auquel nous sommes liés possède des liaisons renforcées nous empêchant de nous détacher de ce dernier. Le train d'atterrissage est doté d'une puissance magnétique supérieure à la puissance de nos moteurs. Il fait quelque chose ! Moteur à 120%. La stabilité des moteurs. Je m'en fous de la stabilité, décolle. Casse le train d'atterrissage, utilise toute la puissance du vaisseau. Il doit bien y avoir de quoi forcer ça. Mais tu vas partir, espèce de tas de ferraille. J'ai pas échappé à un robot défectueux pour crever à cause d'une sécurité à la con. Mais pourquoi tu peux pas partir de ce caillou de merde? Mais quelle mort de merde.